Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je suis un des animateurs de cette émission. Le seul cette semaine parce que notre ami Marc est en Europe, en train d'aller essayer des voitures en Italie, puis après ça en Allemagne, Marc est chez Mercedes, puis ensuite chez Audi. Donc il va essayer quelques voitures de ces deux constructeurs-là, puis il va revenir nous en parler après ça. Donc, mes pensées vont avec lui, Marc, si jamais tu nous écoutes. Je sympathise avec toi. Ça ne doit pas être facile, la vie de journaliste automobile, puis aller en Europe comme ça pour aller essayer des voitures. J'aimerais pas être à ta place. Mais bon, donc là-dessus, bonjour. On va avoir quand même une émission assez chargée. Pour compenser l'absence de Marc, on va avoir deux chronique véhicule électrique. On va avoir une chronique normale sur les nouvelles et les choses comme ça avec Martin Archambault. Puis ensuite, on va revenir après une pause pour jaser sur la loi zéro émission qui a été passée au Québec la semaine dernière. Donc, on va jaser de ça. On va voir c'est quoi les répercussions, ce que ça va obliger les constructeurs automobiles à faire pour pouvoir vendre des voitures au Québec. C'est des règles qui peuvent être assez strictes, dépendamment comment ils sont appliqués. Donc, on va jaser de ça. On a aussi une chronique assurance avec notre ami Benoît Campeau. Et puis, moi, je vais vous commencer l'émission tout de suite en vous parlant de mon essai routier d'un véhicule qui a été complètement refait, qui est quand même assez populaire au Québec, le nouveau Kia Sportage 2017. Donc, la semaine dernière, j'ai passé la semaine au volant du Kia Sportage 2017. C'est quoi le Kia Sportage? Ben, c'est un compétiteur direct au Ford Escape, Toyota RAV4 et Honda CR-V. Donc, c'est un véhicule utilitaire sport compact, là. C'est pas le plus petit parce qu'on a aussi des plus petits maintenant avec le Honda HR-V et puis le Mazda CX-3. Mais c'est vraiment ce qui se vend le plus au Québec, là, si vous voyez. Un VUS, normalement, c'est la catégorie des VUS compacts qui est la plus populaire. Donc, Kia qui l'a complètement refait pour 2017, complètement changé l'allure extérieure. Je vais vous avouer en partant que je suis pas un grand fan du design de la calandre avant. Ça, je l'ai dit même aux gens de Kia la première fois que je l'ai vu dans un salon de l'auto. Je me suis dit, il y a quelque chose pour moi qui cloche avec l'avant. Il y a une rondeur, la grille de calandre avec les phares, puis surtout avec les phares anti-brouillard Adèle, qui a comme quatre petits phares anti-brouillard qui sont intégrés là-dedans de chaque côté. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans qui, moi, m'accroche, mais l'allure d'une voiture, c'est bien, bien personnel, là, mais personnellement, moi, l'avant du Sportage ne m'attire pas tant que ça. J'ai encore, même après une semaine, à l'avoir eu dans mon entrée, des fois, après l'avoir vu souvent dans une semaine, l'allure d'une voiture nous plaît plus parce qu'on s'habitue. Je me suis pas encore habitué à celui du Sportage. Même j'ai un de mes voisins qui est pas loin de chez nous, vraiment pas loin de chez vous, presque en diagonale, là, qui a un Sportage 2017 depuis quelques temps. Puis même à le regarder, je m'habitue pas. Mais pour le reste du véhicule, c'est très joli. On a refait, je veux dire, c'est très bien sculpté. L'arrière est très joli, même si, bon, c'est facile de s'y méprendre avec d'autres produits. Les VUS commencent à toutes se ressembler un peu. Il y a des gens qui vont dire que le nouvel Escape ressemble à un Hyundai Tucson et vice-versa. L'arrière des VUS se ressemble beaucoup. Donc, mais c'est un très, très joli véhicule. Ce qui est intéressant chez Kia, c'est surtout ce qu'on va avoir pour le prix qu'on va payer. C'est-à-dire que même un modèle de base, si on prend un Sportage LX à traction avant, qui est la version de base vraiment du Sportage qu'on peut aller chercher, qui commence à 26 620 $, on a quand même le climatiseur qui est dans. C'est vraiment les véhicules de base, là, comme les Micra et les choses comme ça, les Nissan Micra qu'on n'a pas de climatiseur. Ça vient avec le climatiseur. Ça vient quand même avec les sièges avant chauffants. Puis il y a une caméra de recul de série aussi. Donc c'est quand même assez bien équipé, même pour la version de base. Ce qui est bien aussi, c'est que bon, il est disponible avec traction avant. Il est de base à traction avant pour les modèles LX puis les modèles EX. Après ça, si on prend le modèle SX, qui est le modèle le plus haut de gamme, ce que moi, personnellement, j'ai eu entre les mains pendant une semaine, là, on parle d'une traction intégrale puis d'un moteur turbo. Mais de base, on parle d'un moteur 4 cylindres qui produit 181 chevaux puis 175 livres-pieds de couple. C'est un moteur qu'on retrouve dans d'autres produits. C'est même le même moteur qu'on retrouvait dans le Sportage de génération précédente. C'est un bon moteur, c'est un moteur qui est quand même bien, mais c'est certain que si vous voulez avoir des bonnes sensations de conduite, on va aller chercher le moteur turbo, mais là, on parle d'un véhicule à traction intégrale, le plus haut de gamme, le SX Turbo, on parle de 41 220 $. Donc, il y a vraiment une large éventail de prix. Là. On parle de plus de 10 000 $ de différence de prix entre le modèle de base et le modèle entièrement équipé. Mais si on regarde quand même, le modèle de base est quand même intéressant. Puis vous avez le choix avec un modèle de base avec une traction intégrale. Puis après ça, vous pouvez avoir traction avant, traction intégrale dans le X et seulement traction intégrale dans le SX. Il y a quelque chose d'intéressant. Ben, intéressant ou pas, ceux qui aiment les transmissions manuelles, l'année passée, la dernière version du Sportage offrait une transmission manuelle ou une transmission automatique. Maintenant, c'est seulement une transmission automatique à 6 rapports. Donc, fini la transmission manuelle pour le Sportage. Là, c'est sûr et certain, on peut aller dans différentes catégories. Vous allez avoir des sièges de tissu quand même chauffants dans le modèle de base. Vous pouvez avoir du cuir et tout ça. Je ne sais pas si vous êtes fan de cuir. Personnellement, le cuir pour moi n'est pas quelque chose que je vais demander pour nécessairement acheter un véhicule. J'aime presque mieux des sièges en tissu chauffant que des sièges en cuir chauffant parce qu'on sait tous des sièges en cuir l'été, c'est chaud, l'hiver, c'est très froid. Donc, je ne suis pas nécessairement un grand fan des sièges de cuir. Donc, si quelqu'un peut m'offrir, si une compagnie peut m'offrir beaucoup d'équipement, mais sans être obligé de prendre des sièges de cuir, c'est quelque chose qui va m'intéresser. Bon, si on va au modèle SX que moi j'ai eu, SX Turbo, moteur de 237 chevaux, 260 livres-pieds de coupe, c'est un moteur qui se déplace très bien. Juste, je veux pas comparer les deux véhicules, c'est vraiment pas la même chose, mais la semaine passée, si vous avez écouté l'émission, j'étais au volant d'une Golf GTI, une Volkswagen Golf GTI. C'est un petit moteur qui offre à peu près 210 chevaux, une petite voiture qui est très très amusante à conduire, des bonnes accélérations. Je me suis pas nécessairement ennuyé de la Golf pour les accélérations avec le Sportage 2017. Les accélérations sont vraiment bonnes. On a beaucoup de couple. À 260 livres-pieds de couple, on sent que la voiture décolle vite. Puis la puissance, bon, 237 chevaux, on ne sert jamais des chevaux totaux de la voiture parce que nos limites de vitesse sont à 100 km/h. Puis on ne se rend pas à utiliser la puissance totale de la voiture. Mais c'est quand même une voiture qui est nerveuse, qui est amusante à conduire, qui se contrôle bien. On peut prendre les virages serrés. Puis on n'a pas l'impression que la voiture, vraiment, que le VUS a de la misère. Il est vraiment très, très stable. Bon, à part le moteur qui est très intéressant, ben là, on a des échappements doubles en acier inoxydable. La voiture est un peu plus belle. Capteur de stationnement avant et arrière. Donc, on a des détections d'accidents, pré-collisions, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'équipements dans cette voiture-là. Intérieur en cuir, ce que moi, je ne demande pas nécessairement. Volant chauffant, siège chauffant, bien sûr. Siège chauffant à l'arrière aussi, dans les modèles plus élevés. Donc, c'est le fun si vous avez des enfants. Ben, ils peuvent avoir des sièges qui sont chauffants à l'arrière aussi. Les sièges avant sont aussi ventilés. Donc, si vous avez des sièges en cuir, vous n'êtes pas fan des sièges en cuir parce que en été, ça vient hyper chaud. Comme c'est arrivé pendant mon essai, à un moment donné, il faisait chaud, les sièges en cuir étaient très chauds. Mais on a parti la ventilation, les sièges se refroidissent et puis ça vient confortable. Donc, il y a quand même ça de bien quand il fait vraiment chaud, les sièges qui sont ventilés, c'est le fun parce que ça donne une petite brise dans le dos et puis ça rafraîchit les sièges puis ça peut rendre la voiture encore plus confortable sans nécessairement l'utilisation de l'air climatisé, comme on dit dans le tapis, là, parce que l'air climatisé, puis quand il fait vraiment chaud à l'extérieur, c'est pas nécessairement bon pour éviter de pogner un petit rhume. Donc, beaucoup d'équipements. Il y a le système de divertissement de Kia qui est très bien. Là, c'est un bon système de divertissement. Offre Android Auto, Apple CarPlay. J'ai pas eu la chance d'essayer le Apple CarPlay. C'est ma conjointe qui a le iPhone. Moi, j'ai un téléphone Android. Mais j'ai essayé d'utiliser Android Auto et ça n'a pas fonctionné. J'ai pas réussi à faire fonctionner. Pourtant, je l'ai essayé sur une Hyundai Elantra. Ça a été super bien. Avec un coup, l'application installée, mon téléphone et la voiture parlaient, puis je pouvais utiliser mes applications. Ça n'a pas été le cas avec le Sportage. Pourtant, je veux dire, c'est sensiblement le même système, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. J'ai essayé par plusieurs essais, redémarrer le téléphone et tout ça. Ça n'a pas voulu se connecter. Donc, j'ai pas pu l'essayer sur le Sportage. Mais il y a beaucoup de constructeurs qui semblent avoir des problèmes avec l'application là, Android Auto. Ça n'a pas l'air à fonctionner comme ça devrait. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est supposé simplifier les choses, mais bon, dans certains cas, ça n'a pas l'air à fonctionner du tout. Côté intérieur, il y a beaucoup d'espace, c'est confortable. J'avais le toit ouvrant panoramique, donc avec le toit ouvrant panoramique, ça donne vraiment un intérieur qui est lumineux et tout ça, c'est vraiment joli. Écoutez, c'est un bon véhicule. Personnellement, comme je vous dis, je suis pas un fan de l'extérieur. Surtout la calandre, le restant me dérange pas, mais surtout la calandre qui m'accroche encore un peu. Mais j'imagine, je veux dire, ça reste un beau véhicule. Nouveau système de haillon intelligent aussi de Kia. Hyundai l'a aussi dans certaines voitures. Haillon intelligent chez Kia. Donc, au lieu de pour ouvrir le haillon, au lieu d'être en arrière d'auto, puis comme dans certains constructeurs, on passe le pied en dessous du pare-choc, puis le haillon ouvre. Faut simplement, quand la voiture est barrée, faut que la voiture soit barrée, on approche de la voiture à l'arrière, on attend, puis en autant qu'on a les clés dans nos poches, à un moment donné, vous allez voir, les lumières vont se mettre à clignoter, après ça, plus rapidement, et puis ensuite, le haillon va s'ouvrir. Donc, c'est un processus qui est quand même un peu long. La première fois, j'ai un peu perdu patience, parce que je savais pas combien de temps que ça allait prendre avant que ça se mette à ouvrir. Mais un coup qu'on est habitué, on attend, ça prend à peu près 10-15 secondes avant que le système se mette en marche, mais ça nous évite d'avoir à fouiller dans nos poches, et puis sortir les clés, puis ouvrir le haillon, quelque chose comme ça. Ou encore, comme un peu il monte dans l'annonce, du sportage, là, être en équilibre sur une jambe pour passer le pied en dessous du pare-choc. Quoique, si vous avez vu l'annonce, je me semble être la fille, j'aurais été aider le monsieur, mais bon, elle, ça y a pas tenté. Donc, en tout cas, le sportage, c'est un bon véhicule, c'est un véhicule intéressant. La gamme de prix est vraiment intéressante, que vous allez vous chercher ça à partir de comme j'ai dit, 24 000 $ là, 26 620 $ pour la version de base avec quand même siège chauffant et caméra de recul, traction avant. Après ça, on peut aller avec un modèle de base avec traction intégrale, on tombe à 28 820 $ et puis là on monte, il y a le modèle EX Tech. Puis tout ça, le EX bon, Premium, il y a plein de versions et puis le modèle le plus haut de gamme, c'est le SX Turbo, on parle de 41 220 $ ça commence à être beaucoup d'argent, mais là vous avez un véhicule qui est vraiment totalement équipé. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de ce modèle-là qui va se vendre? Je ne sais pas, mais bon, on verra. Côté consommation d'essence, Kia annonce des consommations de, bon, pour le modèle avec le 2.4 litres, donc le moteur de base, on parle de 10.4 litres au 100 km en ville, 8 litres au 100 km sur route. Ça, c'est avec une traction avant. Si on parle du SX Turbo, Kia annonce 11.9 litres au 100 km en ville et puis 10.2 litres au 100 km sur route. Là, on parle d'un SX Turbo, moteur turbo de 2 litres avec une traction intégrale. Puis moi, pendant mon essai, j'ai réussi à avoir à peu près 9.3 litres au 100 km. Donc, j'ai eu une consommation en deçà de ce que Kia annonce. Mais bon, c'est dépendant de la manière qu'ils ont fait les tests et tout ça. Moi, j'ai réussi à avoir un peu plus bas. Donc, c'est quelque chose qui est possible d'avoir aux alentours de 9, 9.5 là, comme consommation d'essence avec ce véhicule-là. C'est sûr, pas avec 5 passagers dedans et plein de stock. Là. J'étais seul la majorité du temps. Mais bon, c'est faisable en bas de 10 litres au 100 km. Donc là-dessus, on va faire une pause et puis ensuite, on va revenir avec Benoît Campeau pour la chronique assurance. Alors, nous sommes de retour de la pause et on rejoint Benoît Campeau, notre spécialiste en assurance, qui va nous parler aujourd'hui de quoi faire si on a un petit malheur puis on a à faire une réclamation après un accident. Salut Benoît. Salut Luc, comment ça va? Ça va bien toi? Mais oui, merci. C'est drôle, je présente ton sujet avant de te présenter. On va essayer de pas recommencer ça la prochaine fois. Donc, comme je disais, tu veux nous parler quoi faire en cas d'accident. Souvent, la première chose qui nous pogne, c'est la panique. Ouais. Parce que c'est jamais agréable. J'ai pas eu souvent des accidents dans ma vie, mais je me rappelle les quelques fois que c'est arrivé, surtout quand j'ai commencé à conduire quand j'étais jeune, c'est assez intimidant, assez stressant. C'est quoi les bonnes choses à faire là, pour quand on a une réclamation à faire lorsqu'on a un accident? Ben, Luc, en partant, comme tu dis, la première chose à ne pas faire, c'est paniquer. C'est l'erreur numéro un que tout le monde fait. Comme tu dis, c'est un événement qui est stressant, auquel on n'est pas supposé être habitué. Donc, la première chose à faire, c'est de ne pas paniquer. La deuxième des choses, c'est de s'assurer qu'on est dans un endroit sécuritaire. La raison pourquoi je dis ça, il y en a deux. La première, c'est pour ta propre sécurité. Donc, c'est un incident qui se produit en plein milieu de la route, sur l'autoroute 40, admettons, des carrés métropolitains. La première chose à faire, c'est pas de débarquer de l'auto. Parce que, justement, il y a des chances qu'un autre véhicule puisse t'accrocher. Mais la deuxième raison, puis c'en est une que, malheureusement, on vit souvent, mais en tout cas auprès des gens qui ont eu des réclamations, c'est que vous vous arrêtez en plein milieu du chemin. On veut constater les dommages, mais quand on roule sur, par exemple, métropolitain, on ne s'attend pas à ce qu'une voiture soit arrêtée devant nous. Donc, ce que j'ai remarqué souvent, c'est qu'on a on a l'incident primaire, donc le tamponnage initial, puis il y a celui qui ne s'attend pas à nous voir arrêter, qui arrive en arrière, puis qui nous frappe encore. Ce qui peut être extrêmement dangereux si tu es en dehors de ton auto en train de constater les dommages, là. Exactement. Exactement. Dangereux pour toi, dangereux pour ton véhicule, dangereux pour tes occupants. Ouais. Parce que les gens, comme tu disais tantôt, on panique. Bon, mais la première chose qu'on fait, on se détache, on est sous stress. Mais si on se refait frapper encore, ça peut être un événement qui peut être assez dangereux. Ouais. Donc, ça, c'est la priorité numéro un, c'est votre sécurité. OK? Ouais. La deuxième des choses, une fois qu'on est dans un endroit sécuritaire, qu'il n'y a aucun danger supplémentaire, c'est l'échange d'informations. Donc, d'y aller par étapes comme ça, c'est toujours la meilleure chose à faire. Tant qu'il n'y a pas de blessés graves, on peut avoir mal au dos ou tout ça, tant qu'il n'y a pas de situation d'urgence, un échange d'informations entre les deux parties vont faire amplement le travail. Puis quand on parle... Oui, faut-tu absolument remplir un constat amiable ou juste... je te donne mon numéro de permis de conduire, mon adresse, numéro de téléphone, puis tu fais pareil, on s'envoie chacun chez nous, on fait nos réclamations. C'est suffisant ou ça prend vraiment le constat à l'amiable? Je te dirais que la situation idéale, c'est toujours le constat à l'amiable pour une raison fort simple, c'est que c'est un excellent aide-mémoire. Là-dessus, okay. On a les coordonnées des personnes, on a leur, comme tu dis, leur numéro de permis de conduire, leurs coordonnées des assureurs. Mais ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que dans le bas du constat à l'amiable, on a la possibilité de faire un schéma de ce qui s'est produit. Okay. Donc, parce que sur le coup, ben, on va le faire, on va l'écrire, mais après coup, après peut-être 2-3 jours, quand il vient le temps d'expliquer la situation à l'assureur, ben, on a un petit peu la mauvaise habitude de changer la version ou de l'améliorer. On a comme des trous de mémoire facultatifs. On embellit peut-être la situation en notre faveur. Exactement. Sans nécessairement le vouloir, mais c'est comme l'être humain est fait comme ça. Puis le problème que ça va causer, c'est que les gens vont vouloir être bien entendu non responsables, à moins d'une situation fort évidente comme je suis arrêté à la lumière rouge, la personne me frappe, c'est clair. Il n'y a pas de 50-50 possible, disons. Alors que si ça se produit sur la voie publique, on conduit, on tourne, il y en a un qui a un stop, l'autre qui ne l'a pas, le schéma du constat à l'amiable va vraiment indiquer clairement ce qui s'est passé, ce qui va rendre la tâche beaucoup plus facile à l'assureur quand va venir le temps du règlement de la responsabilité. OK, c'est bon. Donc, il y a ça. Ensuite de ça, l'autre option qu'on a, c'est dans la situation où il y a des blessés. Là, bien entendu, on ne prend pas de chance, on appelle les corps policiers. On fait le 911 pour une raison fort simple, c'est que souvent, bon, tu sais, sous l'effet du stress encore, on peut être blessé, mais on l'est plus qu'on pense à cause de l'adrénaline. Ouais. Donc, on suggère toujours de communiquer avec les services d'urgence. Mais pour le reste, le processus reste le même. On s'assure de rester en sécurité. C'est ce qui va arranger les choses. OK, ouais, ça c'est bon. Exact. La troisième type de réclamation qu'on va avoir en automobile, ça va être soit le vol de l'auto ou un délit de fuite. Dans les deux situations, on n'est techniquement pas présent. Donc, quoi faire à ce moment-là? La première chose à faire dans les deux cas, c'est de faire un rapport auprès du corps policier de l'endroit où vous vous trouvez. Okay. Okay? Donc, si par exemple, ton véhicule est stationné au Carrefour Laval, tu sors à la fin de ton magasinage, ton véhicule est disparu, ben, il faut pas, ou qu'il est endommagé suite à un délit de fuite, il faut pas attendre que tu sois rendu à la maison, disons à Montréal, pour faire ton rapport, parce que le corps policier montréalais, disons, va dire, ben, il faut que tu retournes faire le rapport à l'endroit où tu te trouvais à ce moment-là. Ouais, ça s'est passé à Laval, il faut au moins que tu retournes dans un poste de police de Laval pour faire ton constat. Là, pour, ouais, okay. Exactement. Puis, ceux qui pensent qu'ils peuvent juste tout simplement appeler le corps policier, ben, malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que dans le rapport, dans un rapport de délit de fuite, le policier doit visualiser les dommages, doit les constater. Ouais. Donc, c'est un peu la chose idéale à faire, en fait. Puis, en cas de vol, bien encore plus, il faut communiquer avec les policiers dès qu'on se rend compte du vol du véhicule. Ouais, sauf malheureusement, le trois quarts du temps, dans un cas de vol ou de délit de fuite, il n'y aura pas suite. Il ne se passera rien après parce que c'est pas important. Mais bon, je sais, j'ai eu un vol dans un camion de presse que j'avais eu quand j'étais allé au gym un matin et puis j'ai fait le rapport, je suis allé au poste de police et tout ça, et jamais j'en ai entendu parler. C'est pas important pour les policiers vraiment. Je comprends qu'il y a des choses plus importantes que ça. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait suite à votre demande parce que ça arrivera sûrement pas. Ouais. Mais bon. Ben, tu sais, en fait, la raison pourquoi je dis que la première chose à faire, c'est d'avoir un rapport de police, c'est parce que la première chose qui va vous être demandée au moment Ouais. où vous allez appeler l'assureur, c'est est-ce qu'on a un rapport de police? Ouais, c'est ça. Ça prend un rapport de police, mais c'est pas parce que la police va faire quelque chose pour retrouver les biens volés ou quelque chose comme ça, là. Non. C'est que les assurances vont demander un rapport de police. Oui, ben, tu sais pourquoi ils le font, hein? C'est qu'à la base, oui, c'est sûr que tout acte criminel doit être rapporté. Mais en même temps, ça vient aussi renforcer le fait que c'est un événement qui s'est réellement produit. Bon, ouais, c'est ça. Pas juste réclamer parce que, cet ordinateur-là me tente plus, donc je vais réclamer pour en avoir un neuf. Ouais, Exactement. j'imagine que ça existe. Oui. Puis par la suite, ben, une fois que tout ça est fait, bien entendu, l'assureur va prendre les informations, va prendre la déposition de l'événement, autant pour un accrochage que pour un vol, que pour un délit de fuite. Puis par la suite, ben, le cours de l'enquête va suivre son processus normal. Mais donc, dans l'ensemble, la réclamation, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste suivre les étapes bien simples, se sécuriser, prendre les informations et communiquer avec le corps policier ou l'assureur, si les policiers ou les services d'urgence ne sont pas requis. Si on part avec ce processus-là, toute réclamation devrait bien se dérouler sans souci. OK, c'est bon. C'est simple comme ça. Fait qu'il faut pas oublier. Là, on appelle nos assurances, on donne les informations. Après ça, c'est quoi? Est-ce qu'il y a nécessairement la visite d'un. Il va sûrement avoir la visite d'un aviseur technique qui va venir voir les dommages pour après ça évaluer donc, combien ça coûte et tout ça? Il y a plusieurs options. L'option la plus simple, celle que je suggère toujours à mes assurants, mes clients, l'assureur va vous suggérer un atelier de carrosserie. La raison pourquoi il vous le suggère, fort simple. La première, c'est que le travail est garanti tant que vous êtes propriétaire du véhicule. OK. La deuxième des choses, l'atelier de carrosserie en question est mandaté par l'assureur pour évaluer des dommages. Donc, probablement que le processus de réclamation va être plus rapide, étant donné qu'on n'a pas besoin de déplacer quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un sur place qui peut le faire. Et bien entendu, le troisième point, c'est un atelier qui a répondu à des critères de qualité. OK. Donc, on est certain qu'en apportant le véhicule-là, ça va être bien fait. Ça va être fait dans le délai prévu. Puis si jamais il se produisait une situation où vous n'êtes pas satisfait pour une raison raisonnable des travaux, l'assureur va tout simplement demander à l'atelier de carrosserie de reprendre le travail, ce que l'assureur ne pourra pas faire dans la situation où c'est vous qui choisissez l'atelier de carrosserie. OK, mais on a quand même le droit, j'imagine, de choisir notre atelier. Je veux dire, moi, je connais quelqu'un dans mon coin, j'y fais confiance parce que ça fait des années que je le connais. J'ai le droit de dire à mon assureur, je veux aller à cette place-là parce que, bon, c'est un ami, je le connais, je sais qu'il travaille bien, des choses comme ça. J'ai le droit de choisir mon atelier ou l'assureur peut me dire, ben, c'est cet atelier-là ou rien d'autre. Ah non, pas du tout. Vous avez toujours le choix de l'atelier où vous faites réparer. Là où il va y avoir une différence, c'est sur l'emprise que l'assureur peut avoir dans le cas où vous n'êtes pas satisfait des travaux. Si vous dites, par exemple, justement, je vais aller voir un atelier de carrosserie c'est un ami de la famille ou peu importe, bien, l'assureur va dire, oui, OK, il n'y a pas de problème. Les dommages ont été évalués à X montant de dollars. On va vous faire le chèque. Par contre, au niveau des garanties de la réparation et de la satisfaction des réparations, ça devient votre responsabilité. OK, donc je peux pas, si je suis pas satisfait, je peux pas revenir à l'assureur et dire, regarde, il a fait un job de cochon. Tu peux-tu t'arranger pour recommencer ça? C'est comme ma responsabilité de le faire. C'est exact. OK, puis là, si ça fonctionne pas, ben là, je suis un peu pris. OK, fait que c'est mieux de prendre l'atelier recommandé, sauf que, bon, s'il y a quelque chose, je peux quand même choisir où je veux aller. Oui, puis les réseaux d'ateliers de carrosserie recommandés sont assez vastes. On peut pas dire que, il n'y en a pas dans notre secteur, par contre. OK. Ils sont assez étendus. Les assureurs maintenant tentent d'avoir le plus d'ateliers recommandés possible, justement pour éviter les situations où tu ne pourrais pas avoir d'atelier près de chez toi. OK, c'est bon. Donc, ça fait-tu pas mal le tour de ton sujet? As-tu des choses à rajouter? Non, écoute, c'est complet. C'est certain que si les gens ont des questions, je les invite à m'appeler ou à communiquer avec moi par courriel. OK, s'ils font, ils veulent faire ça, comment font-ils? Partout au Québec, le 1-888-871-2520, poste 378. Et bien entendu, via Facebook, on a une page professionnelle qui est le Assure Expert Campo. Et dans probablement la prochaine chronique qu'on va avoir ensemble, le site web va être disponible aussi. Bon, super, tu me donneras ça la prochaine fois. Excellent, Luc. Merci Martin. Merci Martin. Merci Benoît. Bonne soirée. Merci, bye. Bye. Alors, on fait une pause, puis on revient avec Martin Archambault de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, nous sommes de retour. C'est maintenant l'heure d'aller parler à Martin Archambault de l'AVEC. C'est notre section voitures électriques. Salut, Martin. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Écoute, ça va numéro un, même si on n'est pas sûr si l'été, elle arrive ou ça s'en va, là, mais... Croisons les doigts, les bonnes journées s'en viennent. Oui, la dernière fois qu'on se parlait, il faisait chaud, il faisait beau, l'été était arrivé, puis là, depuis qu'une couple de jours, pas trop sûr. Oui, c'est ça. Ben écoute, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais on est quand même dans une grosse période d'ébullition dans le monde de la voiture électrique. Là, c'est toujours le début de l'été, c'est toujours une période effervescente. Fait que nous autres, on est là-dedans à temps plein. Oui, qu'est-ce qui se passe justement dans le domaine de la voiture électrique? Écoute, plusieurs affaires. On va essayer de se ramasser un peu puis de sortir des grands. De ligne. Peut-être parler de une petite relance pour la voiture GT0 là, de Ital Design, qui est oui. une voiture sport que tu as déjà vue. Hein? Oui, oui, je l'ai vue. J'ai été faire un tour sur le site de l'AVEC justement. Je l'ai vue. C'est une belle voiture, mais normalement, les choses d'Ital Design, ça vient pas concret. Non, c'est ça. C'est ça un peu. Ça appartient à Audi en passant. Hein? C'est okay. une tentacule. Comment je pourrais dire, de recherche et développement et de prototypage électrique là, qui appartient à Audi. OK. Là, ils ont présenté un petit peu plus de caractéristiques sur le modèle qui est en développement, la GT0. On sait maintenant que ça va être une voiture qui va venir avec trois moteurs électriques d'une puissance totale de 360 kW, pouvant atteindre une vitesse là, de 250 km/h et puis une surprenante autonomie de 500 km. C'est okay. quand même beaucoup. Ouais. Et avec une technologie de batterie et de recharge permettant de recharger ces quelques 500 km d'autonomie de batterie-là à 80% en 30 minutes. Okay. La seule chose qui est un peu peut-être contradictoire, c'est que tu ne feras pas 500 km si tu roules 250 km/h. Non, c'est oui. Juste pour mettre ça sur la table, vite, vite. Oui, il faut même, que ça là. Soit clair. Ben, en fait, je te dirais que c'est un peu la même affaire que les autos normales quand on dit le nombre de litres au 100 que ça fait. Ouais. C'est pas quand tu roules à 200 km/h que tu fais ce nombre de litres au 100-là, bien entendu. C'est dans certaines conditions. C'est la même affaire avec l'électrique. C'est ça. Donc, si les gens ne l'ont pas vu, là, peut-être aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment c'est une belle voiture racée, là, sport. C'est de type Gran Turismo. Là, c'est pas mal cute. Maintenant, reste à voir si ça va voir le jour avec toutes les features qui est supposé être là-dedans. Là, un écran à trois niveaux de technologie OLED, un paquet de cossins. Et de voir le prix que ça va se détailler aussi, ça, c'est pas fait, là. Ouais, vu que c'est Audi, c'est un char totalement électrique, 500 km d'autonomie. J'imagine si ça sort, ça va être assez dispendieux. On va sûrement parler de pas loin de 100 000 $ ou Oui, plus. C'est pas mal dans ces eaux-là que je m'attends de voir ça. Ouais, mais très, très jolie voiture. Ouais. Un petit rappel, même si c'est encore loin, c'est après l'été, mais on a un petit peu plus de détails et c'est en train de se cristalliser un peu plus, là. Le salon du véhicule électrique qui est prévu pour du 28 au 30 octobre à la place Bonaventure. Mm-hmm. On en a parlé il y a plusieurs semaines, en fait. Ouais. Là, on sait maintenant qu'il va y avoir sur place des essais routiers. Il va y avoir autre chose que des voitures, bien entendu, même si c'est le salon du véhicule électrique, hein, et pas de la voiture. Donc, il va y avoir des autobus, il va y avoir des motos, des scooters, des bateaux. Il va également y avoir plein de gens qui œuvrent ou qui peuvent œuvrer alentour des véhicules électriques tels des électriciens, des assureurs, des banques, des manufacturiers d'accessoires, etc. Compagnie de bornes, de recharge, circuit électrique, Azura et tout ce gang-là devrait être là. Tout le gratin qui œuvre autour du monde du véhicule électrique devrait être là. L'AVEC, on est un partenaire depuis le début de ce salon-là, donc c'est sûr qu'on va être là, bien positionné sur place. Donc, les gens qui veulent en profiter pour venir, venez nous voir, venez me voir, je devrais être là, puis d'autres, mes collègues de l'association aussi, là, on va être sur place. Donc, c'est une place pour venir voir des véhicules en démonstration et puis faire un pas de plus, puis faire des essais routiers là, sur les modèles qui vont être disponibles pour les essais sur place. Puis, comme tout salon, souvent les nouveautés sont là, même s'ils ne sont pas disponibles pour les essais, au moins on peut les voir, puis ça devient un peu plus tangible. Ouais. Donc, 28 au 30 octobre, Place Bonaventure, les gens qui veulent se préinscrire, obtenir des billets là, à prix réduit, peuvent le faire via soit par le site web de l'AVEC ou encore directement sur le site web là, du salon. Là. Si vous tapez dans Google « Salon du véhicule électrique », vous allez trouver ça sans problème. Okay. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que des essais routiers aux alentours de la Place Bonaventure, c'est tellement pas l'idéal. Ouais, là, je pourrais pas te dire, par contre, la mise en place qui va être faite là, pour faciliter les départs, les arrivées, là, je peux pas te dire, on n'est pas encore impliqué à ce niveau-là. Okay. Par contre, j'imagine que c'est un enjeu qui va être tenu pour compte. Dès que j'aurai plus de détails, je pourrais vous le dire. Bon, on va en reparler, plus proche. Si on est capable, on essaiera d'avoir une entrevue avec la personne qui s'en occupe ou une relation média là, quand on approchera. Puis on va peut-être essayer d'aller faire un tour aussi au salon, voir ce que ça a l'air. Puis peut-être qu'on pourra se rencontrer pour la première fois. Ça serait pas bien. Ben écoute, c'est ça, on se connaît beaucoup, mais pas de visu, hein? Non, c'est ça. Fait que, écoute, je me sens quasiment comme un réseau contact. On fait des échanges virtuels, mais on ne s'est jamais vu, on va peut-être être déçu. Peut-être, on verra ça, mais qu'on arrive là. OK. Autre petit point, Volvo qui a annoncé dernièrement qu'elle avait l'intention de lancer dans la série 40 un et peut-être des, c'est flou un peu, véhicules tout électriques. OK. Et puis également une gamme de véhicules hybrides rechargeables qui vont avec moteur à essence, deux cylindres plus un moteur électrique, là, un hybride là, formé d'électricité et de moteur deux cylindres. Il n'y a pas beaucoup de détails. Volvo a annoncé que les produits seraient assurément disponibles d'ici 2019. Mais on n'a pas grand-chose d'autre. Là. On sait que ça va être basé sur son architecture Scalable Product, là, SPA. Mm-hmm. Son but annoncé était de vendre jusqu'à 1 million de voitures électrifiées, là, c'est-à-dire tout électrique ou hybride branchable d'ici 2025. Donc, on a bien hâte de voir les modèles et les prototypes qui vont émaner de cette excellente idée, mais qui est encore à l'état, à ce que je comprends, assez embryonnaire. Oui, mais c'est ça. C'est de savoir aussi est-ce que les modèles vont venir au Canada ou des choses comme ça. Parce que Marc a essayé, là, je pense, c'est là 2 semaines, ou c'est-tu sur l'émission de la semaine passée, je me rappelle pas. C'est le gros Volvo XC90 hybride rechargeable. Puis il y a eu vraiment une consommation, je pense, c'est en bas de 5 litres au 100 km pour un véhicule gros comme ça. Là, c'est incroyable. Là. Donc la technologie de Volvo fonctionne. Oui, certainement. Écoute, c'est pas une marque bas de gamme quand même. Là, non. J'ai l'impression que quand ils développent quelque chose, ils sont capables de le développer comme il faut. Des fois, c'est juste le timing, le délai, là, à partir du moment où c'est annoncé puis le moment où c'est sorti. Mais regarde, tu regardes Tesla qui n'a pas nécessairement la réputation de sortir ses produits Target aux dates prévues. Là. Ouais, il y a souvent des retards. Par contre, ils sont quand même réputés pour faire des produits d'excellente qualité. Fait que un n'est pas gage de l'autre. Fait qu'on espère juste que on va être capable d'avoir des produits, ces nouveaux produits-là Volvo disponibles bientôt. Ouais, puis une V40, ça devrait être intéressant. Ça pourrait être assez similaire abordable pour que plus de gens puissent en acheter une. Qu'un XC90 à 75 000 $ là. Exact. C'est bon. Autre nouvelle pour les gens qui sont un peu habitués aux bornes de recharge et qui étaient habitué de faire des arrêts pour se recharger sur le réseau vert, bien simplement vous annoncez que le réseau vert change de nom et devient Flow. FLO, réseau vert, qui était le premier réseau de bornes qui a appartenu, dans le fond, aux gens de AdEnergy. Donc, c'était le déploiement du réseau d'AdEnergy avant que AdEnergy devienne le fournisseur officiel des bornes pour le circuit électrique d'Hydro-Québec. Ouais. Quand cette entente-là est survenue et a même été réentérinée dernièrement, le réseau vert se trouvait à concurrencer son plus gros client qui était le réseau des bornes d'Hydro-Québec. Donc, les deux réseaux sont devenus un peu complémentaires et les cartes d'un réseau fait maintenant, peut maintenant déclencher les recharges sur les bornes des deux réseaux. Donc, c'est comme un réseau frère et sœur. Ben, c'est ça. Mais le nom du réseau maintenant change pour devenir le réseau FLO. Il faut comprendre qu'ici au Québec, on a le circuit électrique qui est une entreprise, dans le fond, qui est une tentacule d'Hydro-Québec. C'est assez gros, mais les autres provinces n'ont pas ça de façon provinciale comme ça. C'est des réseaux privés là, qui s'installent. Mm-hmm. Donc, le réseau vert ailleurs dans le Canada est très populaire et très répandu, là, évidemment, dans les provinces où les voitures électriques sont connues. Donc, il y a quand même un besoin de continuer à faire grandir et croître ce réseau-là, puisque, contrairement au Québec, où c'est le circuit électrique là, qui est comme un peu le plus populaire, bien, dans les autres provinces, c'est pas là. Donc, ils ont toute la place pour s'épanouir, comme on dit. Donc, ils ont revu leur image, leur branding pour être capables d'avoir une approche un peu plus, je dirais, un peu plus client. Puis, ils vont ajouter dans les prochaines semaines, prochains mois, plein de nouveautés, dont des bornes résidentielles qui vont porter la signature du réseau FLO, qui vont pouvoir se connecter au réseau FLO. On a eu la chance, là, nous, à l'AVEC, d'avoir un peu toutes les caractéristiques de ces nouvelles bornes résidentielles-là. Ça va être très intéressant au niveau des caractéristiques techniques des bornes qui vont être bientôt lancées par le réseau FLO. Donc, c'est à suivre. Ouais, des bornes au travail aussi. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent pour le réseau FLO. Le communiqué de presse est intéressant, mais tu as probablement plus d'informations qu'il y en avait dans le communiqué de presse. Oui, c'est ça. Ben, c'est toujours ça. Il faut que je fasse attention. Hein? Ouais, je suis là pour des informations, mais celles qu'on m'autorise à donner. C'est bon. Les nouvelles s'en viennent. Là, de toute façon, ça ne sera pas un secret ben longtemps, mais en tout cas, c'est bien intéressant, les nouveautés. Puis, tu sais, les bornes de recharge, c'est un peu comme le reste. Là, on va vivre, je pense, une petite révolution où ces bornes-là vont devenir autre chose que juste un relais qui déclenche un apport en tension puis en courant pour recharger nos autos. Ça va être branché sur le Wi-Fi, ça va être intelligent, ça va avoir plein de fonctionnalités tripantes. Là. Ce qui serait quand même bien que tu branches ton auto et tu n'es pas nécessairement obligé de la charger tout de suite. Tu peux dire à ta borne avec ton téléphone intelligent, bon, mais OK, démarre là. Ouais, exactement. Ben, il y a plein de fonctionnalités à partir du moment où la borne est connectée, disons ça comme ça, là. Les possibilités deviennent infinies à la limite, là. C'est ça. Ça dépend toujours de comment intelligente ta borne peut être, là. Mais non, j'ai hâte de voir. On devrait avoir plus d'informations d'ici la fin du mois de juin, là, selon le communiqué de presse. Ça s'en vient, là. Ouais, nécessairement. Exactement. Fait que quand on aura plus d'informations, on en reparlera. Oui, monsieur. Une autre petite nouvelle pour terminer, peut-être la Hyundai Ioniq. On nous a annoncé, selon certaines sources, que les objectifs pour 2018 pour la Ioniq seraient d'avoir 320 km d'autonomie, puis pour 2020, 400 km d'autonomie. Donc là, on commence à être dans le marché pas mal de la Tesla 3 là, en termes d'autonomie. Ouais. Puis quasiment en termes d'échéancier, si on regarde les dates de livraison que les Tesla 3 vraisemblablement vont être livrés au Canada là, pour les gens qui ont fait la pré-réservation. On va être à peu près dans les mêmes eaux là, dans les années 2018-2019. Donc, c'est ce qui est annoncé maintenant. C'est annoncé par plusieurs sites, mais ce n'est pas annoncé directement par Hyundai. Donc, j'ai hâte de voir si la rumeur va être démentie. Mais ça commence à être intéressant pour une voiture qu'on a hâte de voir sortir là, peut-être sur les routes. Là, y a, la version annoncée précédemment n'est pas encore disponible, mais ça s'en vient. Donc, j'ai bien hâte de voir si l'annonce officielle de ces autonomies-là et ces délais-là pour les sortir vont être respectés. On l'espère. Ouais. Parce que présentement, c'est 170 km pour la voiture qui s'en vient, je pense, vers l'automne. Oui, c'est là. Ça. Exactement. Mais ça veut dire que l'année prochaine... Mais Hyundai ne le dira pas tout de suite parce qu'il n'y a pas personne qui va acheter une Ioniq à 170 km d'autonomie. Là. Fait que, tu sais, ils vont sortir la voiture, ils vont en vendre, puis un peu plus tard, ils vont annoncer la prochaine version. Ils ne sont pas fous. C'est là. Il faut quand même qu'ils en vendent d'ici à ce temps-là. C'est bon. Donc, on va terminer là-dessus, Martin, pour ce bloc-là. On va faire une petite pause, puis on va revenir. On va démystifier la nouvelle loi zéro émission que le Québec a adopté la semaine passée. On va voir c'est quoi les répercussions. Alors, nous sommes de retour. On est encore avec Martin Archambault de l'Avec. Martin, le gouvernement a mis ses culottes. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Il y avait une pétition qui avait été faite, quoi, il y a 2 ans à peu près? Oui, c'est une pétition qui date d'à peu près 2 ans, puis une coalition Zéro Émission Québec là, qui avait été mise sur pied il y a un peu plus d'un an aussi là, pour pousser défendre, ça, là. Ouais. Pour pousser la loi Zéro Émission. Ça a été adopté la semaine dernière au Parlement du Québec. Qu'est-ce que ça implique? En fait, je te dirais, la loi va être déposée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été encore adoptée par le Parlement. Hein? Donc, c'est le projet de loi qui a été déposé. Il reste une étape importante qui est l'adoption, là. Mais c'est le premier pas, là. C'est-à-dire qu'il faut commencer par déposer la loi, puis après ça, la faire voter. Simplement, peut-être pour expliquer à nos auditeurs là, ce que c'est. Donc, une loi zéro émission, là, le but de ça, en fait, c'est d'assujettir les constructeurs automobiles à des pénalités s'ils choisissent de ne pas offrir de voitures zéro émission, donc électriques, là, ou en tout cas des technologies qui n'émettent pas de gaz d'échappement, là, dans le fond. Fait que les constructeurs qui décident de ne pas en faire, ne pas en rendre disponible, doivent payer une pénalité. Ça, c'est le principe de base. Puis des lois comme ça, il en existe déjà à plein d'endroits, dont la Californie, le Connecticut, le Maine, le Maryland, le Massachusetts, le New Jersey, l'Oregon, le Rhode Island, New Mexico, puis le Vermont. Fait que et d'autres pays dans le monde, là. Mais tu sais, si on parle proche, là, juste donner une idée, là. Ouais. Donc, ça existe déjà. Puis comment ça fonctionne? Ben, selon la norme qui est visée pour une loi zéro émission au Québec, là, c'est que selon le projet de loi, à partir de 2018, un constructeur automobile devra respecter une cible de vente de véhicules zéro émission, une cible qui est fixée par le gouvernement puis qui est transposée sous forme de crédit. Là. Donc, c'est une valeur numérique fictive, là. Puis cette cible-là serait calculée en appliquant un pourcentage au nombre total de véhicules normaux légers que chaque constructeur vendrait au Québec. Là, donc, des autos pour transport de passagers normal. Là, donc, ça ne tient pas compte des autobus, des camions de transport de marchandises, etc. Là. Mm-hmm. Puis l'exigence de crédit, elle serait variable d'un constructeur à l'autre en fonction d'un paquet de paramètres. Puis chaque vente ou location d'un véhicule zéro émission, reconnu par le ministre, apportera un crédit dont le nombre va varier en fonction de l'autonomie en mode électrique du véhicule. Donc, plus le véhicule aurait d'autonomie électrique, plus le constructeur obtiendrait de crédit, ce qui diminuerait par conséquent le nombre de véhicules qu'il doit vendre pour atteindre sa cible. Okay. Puis le but visé de la norme, c'est de stimuler le marché automobile pour développer davantage de modèles, puis que les technologies soient de plus en plus efficaces et accessibles. OK. Je regarde certains chiffres. Véhicule électrique gagne du terrain, mars 2014, 2800 véhicules électriques en circulation. Là, on parle à la suite de l'implémentation de la norme, on parle pour 2018, 14 533, soit 3,4% des ventes. Je sais pas, on est-tu capable de vendre tant de véhicules électriques que ça au Québec? Je sais pas, c'est beau mettre une loi puis dire au constructeur, faut que tu vendes tant de véhicules, mais si les gens l'achètent pas. Effectivement, c'est une règle de causalité, là. C'est-à-dire que, bon, d'une part, pour que les gens veuillent en vendre, il faut qu'il y en ait qui veuillent en acheter, mais je te dirais que vu de l'autre côté, pour en acheter, il faut que les manufacturiers puissent en rendre disponible aussi. Ouais. Et actuellement, il y a plusieurs modèles de véhicules ou des marques de véhicules, on a souvent parlé, que ce soit de véhicules Volkswagen électriques qui est disponible, Golf ailleurs, mais qui ne l'est pas ici. Ouais, ben, si elle était disponible, ils pourraient sûrement en vendre. Oh, ouais. C'est le fonctionnement est assez particulier aussi. Il faut comprendre que le gouvernement établit sa cible pour chaque manufacturier. Puis il faut que ça soit un manufacturier qui a un seuil annuel de 4 500 ventes de véhicules standard au Québec. Donc, toutes les grandes marques là, font partie de cette catégorie-là. Là. Mais je veux dire, s'il y avait une nouvelle marque qui sort demain matin, qui est expérimentale puis qui vend 1 000 chars par année, il ne serait pas assujetti à cette loi-là. OK. Et puis, c'est le manufacturier qui est assujetti à l'obligation, puis c'est pas le concessionnaire. Donc, le concessionnaire n'est pas imputable. Ils ne seront pas tenus responsables s'ils ont des véhicules dans le showroom et qu'ils ne vendent pas. C'est le manufacturier qui a le, si tu veux, l'odieux de rendre des véhicules disponibles, d'en faire la promotion et de les rendre attrayants. Puis si un manufacturier n'atteint pas son nombre de crédits, ben il pourrait, à la limite, acheter d'un autre manufacturier qui a dépassé son quota pour pas avoir à payer la pénalité. Okay. Donc, mettons, là, tu sais, prenons ça là, vraiment caricatural, là, Volkswagen décide de ne pas rendre d'auto électrique disponible, ben, il pourrait dire à Tesla, toi, c'est sûr que des crédits, tu vas en avoir plein de tête. Puis tout ce que tu vends, c'est des chars électriques, puis c'est tous des chars électriques à haute capacité de batterie. T'en as des crédits, veux-tu en v'là? Je peux-tu t'en acheter, basé sur le principe qu'on imagine que Tesla les vendrait moins cher que la pénalité qu'on aurait à payer là, Volkswagen, le manufacturier fautif au ministère, au gouvernement, dans le fond. Là, ce qui se fait déjà, parce que, à ce que je sache, Tesla vend déjà des crédits carbone en Californie. En termes de crédits, exactement. Oui, ouais, c'est ouais. Ça. Ça marche déjà. Là. Fait que les crédits découlant de la vente des véhicules, ça va être requis donc à partir de 2018. Mais d'ici à 2018, donc 2016-2017, ils peuvent déjà commencer à en accumuler. Donc, c'est la théorie du petit Suisse, là. On peut se faire des provisions. Donc, les manufacturiers peuvent commencer à se faire des provisions, mais à partir de 2018, les crédits vont être requis, donc ils vont devoir en accumuler. Puis il y a effectivement, comme je disais, des pénalités qui sont prévues pour les manufacturiers qui ne collaborent pas, qui n'atteignent pas leurs objectifs ou encore qui ne collaborent pas à fournir les renseignements pour être capables d'appliquer la loi. Parce qu'évidemment, il n'y a pas un inspecteur à temps plein ainsi chez chaque concessionnaire pour compter le nombre de voitures qui vont être vendues. Là. Donc, il y a une communication d'informations là, qui doit être faite. Donc, ceux qui refusent de collaborer ou qui collaborent mal ont aussi des pénalités qui sont prévues. Donc, il y a une séance parlementaire à l'automne qui va avoir pour but de préciser le cadre réglementaire puis de faire adopter la loi. Puis après ça, ben ça va être lancé. Là. Donc, c'est en gros, là, en résumé, c'est ce que ça veut dire. Et ce que ça vient faire, en fait, le but, si je le donne bien simplement, ça fait longtemps que nous, à l'AVEC et bien d'autres le disent, c'est pas juste en donnant des rabais à l'achat aux consommateurs pour qu'ils puissent se permettre d'acheter un véhicule qui est, avouons-le, à l'achat, du moins plus cher, pour régler le problème. L'autre partie, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'offre et il faut inciter les fabricants à fabriquer plus de modèles, plus de variétés, plus d'autonomie. Puis cette loi-là, c'est exactement ça qu'elle vise. Donc, c'est de s'assurer qu'il y a une offre qui va être capable non seulement de répondre à la demande, mais également de stimuler la demande. C'est-à-dire qu'on prend le pari, puis là où ces lois-là sont en vigueur, on peut le constater, c'est que quand il y a une offre accrue, il y a un intérêt accru aussi. Ouais, c'est ça. Puis il y a comme, tu sais, la majorité des constructeurs ont au moins un véhicule électrique dans leur gamme de produits, mais il n'est pas nécessairement disponible ici. Fiat a une Fiat 500 électrique. Honda avait, ou je ne sais pas s'ils ont encore la Honda Fit électrique qui se vend en Californie. Tu as, comme tu disais, la Volkswagen Golf électrique qui, moi j'ai posé la question à Volkswagen, vous allez apporter ça quand ici, cette Volkswagen-là Golf électrique, vous en vendriez au Québec. Volkswagen est hot au Québec, mais vous allez offrir ça juste aux États-Unis. On va-tu voir ça un jour? Puis dire, ah, on va voir les ventes aux États-Unis, puis selon si ça se vend bien aux États-Unis, ben après ça, on pensera peut-être de l'amener au Canada. C'est pas nécessairement la vision, mais on s'entend qu'il y a un coût de production et tout ça. Mais là, s'il y a une obligation de vendre des véhicules, je veux dire, les constructeurs qui en ont pour accumuler ces crédits-là devraient les amener. Mercedes aussi, il y a une B200 électrique qui se vend à l'autre bord de la frontière, en Oregon, puis au Vermont. Puis c'est pas disponible ici. Fait que je veux dire, à un moment donné, avec cette loi-là, si on les oblige à, mais regarde, t'en as un, on te demande pas de faire un auto que t'as pas, on te demande juste de vendre ce que t'as déjà sur notre territoire. Fait que j'imagine, tu sais, puis plus il va y avoir d'offres, plus il va y avoir une voiture qui va intéresser quelqu'un. Oui, ouais. Puis c'est déjà un bon pas de vendre les véhicules qui existent déjà, puis ça va déjà augmenter aussi leur capacité d'aller chercher des crédits s'ils ont plus qu'un modèle, un, deux, trois modèles, bien c'est sûr que là, en plus, ça va augmenter leur capacité d'aller chercher des crédits. Il y a aussi le nombre de concessionnaires accrédités actuellement, que ce soit chez Nissan, que ce soit chez Kia. C'est pas tous les concessionnaires qui sont des concessionnaires qui vendent de l'électrique. Non. Bon, ça tend à croître. Là. Moi, quand j'ai acheté ma première Leaf, il n'y en avait aucun concessionnaire accrédité, mais après ça, l'année d'après, il y en avait une couple. Maintenant, il y en a plein. Kia, on a vu dans la dernière année, ça a un peu explosé le nombre de concessionnaires qui maintenant vendent la Kia Soul. Et c'est comme ça un peu dans toutes les marques. Donc, cette loi-là va un peu forcer aussi les compagnies qui n'ont pas beaucoup de modèles à peut-être augmenter le nombre de points de vente à ce moment-là. Tu sais. Ah, c'est ça. Ou développer d'autres modèles. Je veux dire, un coup que tu as la motorisation, il n'y a rien qui t'empêche de mettre cette motorisation-là en dessous d'une autre carrosserie. Tu sais. Ouais. À un moment donné, c'est développer ta technologie qui coûte cher. Un coup que c'est développé, je veux dire, c'est un peu comme, tu sais, je sais pas, moi, tu prends le moteur 2 litres turbo chez Volkswagen, ça se retrouve dans des Audi, ça se retrouve partout. Tu sais, fait qu'un coup que tu as ta motorisation, puis tout, tu peux mettre ça dans à peu près n'importe quoi. Fait que j'ai hâte de voir, ça se développe vite aussi. On entend de plus en plus parler de voitures à 320, 350 km d'autonomie. Fait que, tu sais, ça aussi, ça va inciter peut-être les gens à en vouloir une voiture électrique, ce qui n'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Puis le monde veut aussi une voiture qui n'a pas l'air d'un extraterrestre. Je peux comprendre que certaines personnes ne trouvent pas la Leaf vraiment cute. Tu sais, parce que ça a un look particulier, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Mais tu sais, une voiture comme une Kia Soul, c'est la même voiture qu'elle soit à essence ou qu'elle soit électrique. La Golf, c'est la même chose, c'est la même voiture qu'elle soit à essence électrique. La B200 chez Mercedes, il n'y a pas de différence côté visuel. Donc, tu sais, c'est peut-être ça que les gens recherchent aussi. Fait que j'ai hâte de voir les prochains produits, la Hyundai Ioniq, qui est la première vraiment, le premier essai de Hyundai dans la voiture totalement électrique, tu sais. Il y avait chez Kia, maintenant Hyundai vont avec ça. Il va y avoir le Niro aussi chez Kia, qui va être hybride branchable au début, puis électrique par la suite. Chez Hyundai, on fait le contraire. Ça va être électrique en commençant, puis hybride branchable par après. Fait qu'on y va à contre-courant. Mais d'un autre côté, c'est pour offrir des produits, entre parenthèses, différents, parce que c'est les deux constructeurs, je dis, c'est ensemble, il y en a qui a. Fait que j'ai hâte de voir le futur, j'ai hâte de voir si la loi va être adoptée. Je pense que oui, là, je pense pas que personne a intérêt à dire non, ça vaut pas la peine. Là. Mais j'ai hâte de voir ce que ça s'en va. On va-tu savoir ça d'ici l'automne? Quoi, ou... Ben c'est le projet est supposé être voté et adopté, si tout va bien, là, à l'automne. Donc, c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, les manufacturiers vont commencer à pouvoir accumuler des crédits là, en prévision de l'objectif de 2018 qui va être une obligation. Là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénalité avant 2018. Le vrai coût de départ est 2018, mais entre l'adoption de la loi et 2018, ils vont pouvoir commencer à quand même s'accumuler tout de suite des crédits. Donc, c'est une façon de dire « attendez pas, là, t'sais, ouais. Commencez tout de suite ». Peut-être préciser que cette loi-là, c'est pour les véhicules qui sont soit hybrides rechargeables ou les véhicules entièrement électriques, ou encore les véhicules à l'hydrogène, même si nous, à l'AVEC, on n'est pas très pro-hydrogène, ça inclut quand même ces véhicules-là. Et ça exclut, par contre, les motocyclettes, les cyclomoteurs là, qui peuvent rouler sur les chemins publics. Là. Donc, motocyclettes, cyclomoteurs sont exclus. OK. Donc, c'est vraiment voiture électrique ou rechargeable. Ouais, c'est en plein ça. Donc, okay. Les objectifs à la suite de l'implantation de la norme, là, ce que vise le gouvernement, puis tu en as parlé un peu tantôt, c'est 14 533 véhicules en 2018, soit 3,4% des ventes, 30 000 en 2020, 6,9% des ventes, puis 70 600 en 2025 pour 15,5% des ventes, c'est les objectifs. L'avenir nous dira si c'est réaliste ou pas. Une chose est sûre, c'est que ces chiffres-là, sont atteints dans d'autres juridictions où il y a une norme zéro émission. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement way out si on se compare à d'autres endroits dans le monde. OK. Donc, on peut calquer ce qui se fait ailleurs. Oui, on essaie de reproduire ça ici. C'est un mélange. Hein? Il faut comprendre, là, puis je pense qu'on peut conclure là-dessus, le passage aux véhicules avec des énergies propres, c'est un cocktail d'intervention pour y arriver parce qu'il y a un changement de paradigme à faire chez le public, il y a une éducation à faire, puis il y a vraiment une adaptation sociale là, à la fois pour le consommateur, les manufacturiers, les industries, puis c'est un cocktail d'intervention. Ça prend plein d'affaires pour y arriver. Ça prend, oui, des bonus qui vont nous faire en sorte qu'on a le goût d'acheter le véhicule parce qu'il nous coûte moins cher, mais ça prend aussi un peu de pression sur les manufacturiers pour nous rendre des véhicules plus disponibles, puis ça prend des changements réglementaires pour nous permettre, je ne sais pas moi, de s'assurer que si on a un condo, on est capable d'avoir une borne de recharge installée dessus. Donc, ça prend un paquet d'interventions si on veut y arriver, et la norme zéro émission était l'un des leviers hyper importants qui manquait à notre coffre à outils. Et puis, on est bien content qu'enfin, ça aille de l'avant. Là. Super. Fait qu'on va suivre ça de très près. En attendant, Martin, si les gens veulent avoir plus d'informations, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La meilleure chose, aller sur le site de l'association www.aveq.ca. Ou ils peuvent encore m'écrire à martin@aveq.ca. Super. Donc, pour nous, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez, on a une adresse courriel info@saroulradio.com. On a aussi un compte Twitter, Saroule Radio, Facebook, Saroule Radio. Et puis, vous pouvez rejoindre Marc à Marc_Bouchard sur Twitter, Marc Bouchard sur Facebook. Vous pouvez le suivre sur ses sites de Net Media. Et puis, moi, vous pouvez me lire chaque deux semaines sur le site de Kijiji, frkijijiblog.ca, dans la section véhicules, disponible sur iTunes, disponible sur Google Play. Donc, on est un petit peu partout. Si vous avez des questions, vous savez comment nous rejoindre, posez-nous-les et puis on va vous répondre, c'est garanti. Donc là-dessus, merci Martin d'avoir passé ces deux petites chroniques avec moi. Ça me fait plaisir. Et puis, aux auditeurs, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde.